Le meilleur de François Morel chaque matin, quelques minutes de 9h. Aujourd'hui, l'éclatante réponse de l'humoriste à Éric Zemmour sur la francisation des prénoms. Ibrahim Malouf. Marek Alter. Tristan Tzara. Marjane Satrapi. Vassili Kandinsky. Johann Sfar. Eduardo Manet. Konstantinos Gavras, dit Costa Gavras. Omar Sy. Zinedine Zidane. Zuguaru Fujita. Pablo Picasso, Fernando Arrabal, Amedeo Modigliani, Tahar Ben Jelloun, vive la France, vive la France. Vladimir Kosma. Cheki Cario, Romy Schneider, Chaïm Soutine, Jane Birkin, Karim Adeli, Rudolf Nureyev, Zinedine Soualem, Milan Kundera, Tony Parker, Abdelatif Benazzi, Karl Lagerfeld, Yuri Djorkaeff, Kadmerad, Zvetan Todorov, Radu Mihailianou, vive la France, vive la France. Cheb Khaled. Comme si je n'existais pas. Béchara El Khoury, Riti Pan, Rachid Taha, Carla Bruni, Eunice Barber, Sofia Boutella, Ryan Bensetti, Leila Bekti, Reim Kerissi, José Garcia, Golshifteh Farahani, Pio Marmaille, Ramzi Bedia, Reda Kateb. Vive la France, vive la France. Django Reinhardt. Vladimir Yankelevitch, Misak Manouchian, Mehdi Sharef, Nabil Fekir, Kateb Yassid, Ridi Pan, Abdelatif Kechiche, Jamel Debbouze, Leila Slimani, Samir Badja, Ahmed Merabi, Riyad Satouf, Barbette Schroeder, Absatou, si, vive la France, vive la France. François Morel, un billet qui date de septembre 2018 en réponse à Éric Zemmour. Le polémiste avait à l'époque suggéré à la chroniqueuse Absatou Si de s'appeler Corinne. France Inter.